Chapitre 5e. Comme ce n'était pas la première fois que Madame Denis essayait de confesser Marthe, elle savait par expérience que cela n'était pas chose commode, car même pour ce qui était insignifiant, Marthe avait l'habitude de s'enfermer dans une réserve très difficile à forcer. Avec son père seul, elle avait de l'abandon, et quand Madame Denis voulait savoir quelque chose que Marthe cachait, c'était par celui-ci qu'elle le faisait demander. Au premier mot de son père, elle parlait, et le secret que n'avait pu lui arracher les habiletés ou les détours, elle le livrait sans qu'il fût besoin d'insister. Malheureusement, dans les circonstances présentes, Madame Denis ne pouvait pas recourir à son mari. Il fallait qu'elle agisse seule, et cela serait d'autant plus délicat que Marthe se tiendrait sur ses gardes. Si le plus souvent, et pour ce qui n'avait pas d'importance, elle répondait d'une façon obscure ou ne répondait pas du tout, il était à croire qu'elle ne se déciderait pas facilement à dire le motif vrai qui la poussait à vouloir éloigner Saint-Austrebert tout de suite. Cependant, comme Madame Denis tenait à connaître ce motif, elle risqua l'aventure. « J'avoue, dit-elle, ne rien comprendre à l'empressement que vous montrez pour vous débarrasser de la présence de Monsieur de Saint-Austrebert. À quoi bon subir cette présence plus longtemps? Je suis décidée, bien décidée, à ne jamais accepter Monsieur de Saint-Austrebert pour mari. Je ne vois pas l'avantage qu'il y a à traîner en longueur une situation qui devrait déjà être tranchée. J'en vois un qui me paraît considérable, vous donner satisfaction à votre père. Si je n'avais pas eu égard aux volontés de mon père, j'aurais nettement signifié à M. de Saint-Austrebert que je ne voulais pas le voir. Cela eût été vif. Peut-être cela eût-il été en effet inconvenant de la part d'une jeune fille, mais c'est la peur seule de peiner mon père qui m'a retenu et m'a fait supporter les yeux tendres de M. de Saint-Austrebert, ainsi que ses propos aimables. Ils ne paraissent pas bien affreux, ces yeux. Ce qui est affreux, c'est d'avoir à subir les attentions et les soins d'un homme qu'on n'aime pas. Au moins, cela est ainsi pour moi. C'est un outrage. Un bien gros mot. Enfin, je me sens blessé, et je vous assure que chaque regard de M. de Saint-Austrebert, chaque parole de lui me blesse. Je suis surprise que mon père n'ait point pensé à cela. Je ne sais pas si l'usage permet qu'un homme soit ouvertement admis dans une honnête maison pour plaire à une jeune fille. Quant à moi, cela me choque, et je dois répéter le mot, cela m'outrage. On dirait que je suis une marchandise exposée en vente. Vous êtes à marier. Si c'est là le début du mariage, il est révoltant. Et voilà pourquoi je voudrais que M. de Saint-Austrebert me dispensât de ses visites. Auriez-vous préféré que votre père accordât tout de suite votre main à M. de Saint-Austrebert? C'est ainsi que les choses se passent le plus souvent, et vous faites presque un crime à votre père de ce qu'il a dérogé à cet usage pour vous permettre de connaître et d'apprécier le mari qu'il vous propose. Je ne fais de crime à mon père de rien, car je sais quelle est sa bonté et quelle est sa tendresse. Je regrette seulement qu'il persiste à m'imposer M. de Saint-Austrebert. Maintenant que je le connais, il n'a que faire ici puisque je n'en veux pas. Si votre père croyait que vous avez pu connaître M. de Saint-Austrebert en si peu de temps, il se rendrait peut-être à votre désir. Mais il ne croira jamais cela, et moi-même, j'ai peine à l'admettre. Si M. de Saint-Austrebert était laid, vieux, repoussant, enfin d'une façon quelconque, rien ne serait plus légitime que votre refus. Mais il n'en est point ainsi. M. de Saint-Austrebert est assurément très bien, aussi bien qu'un homme de son monde peut-être, et sait tout dire. Pas pour moi. Qui ne suis pas de ce monde. Qu'avez-vous à lui reprocher? Rien et tout. Ce n'est pas répondre, il ne me plaît point. Qui vous déplaît en lui? Qui vous déplaît dans le parfum du chèvrefeuille? Tout le monde aime cette odeur, vous seul peut-être la trouvez mauvaise. C'est ce qui fait qu'on a arraché ici tous les chèvrefeuilles qui avaient enveloppé les arbres. J'admets que tout le monde aime M. de Saint-Austrebert. Seul, je ne l'aime point. Mon antipathie pour lui existe, comme la vôtre pour le chèvrefeuille, sans être fondée. Est-ce que les sympathies ou les antipathies se forment jamais par des raisons déterminantes? Elles existent et elles sont invincibles, voilà tout. Qu'elles se forment, comme vous dites, je le veux bien. Mais qu'elles soient invincibles, c'est autre chose. Ainsi, j'admets qu'à première vue, M. de Saint-Austrebert ne vous plaise point, bien que cela soit assez difficile à concéder, mais je crois que, si vous le connaissiez mieux, votre sentiment changerait. Je verrai M. de Saint-Austrebert pendant une année entière, que cela ne modifierait en rien mon sentiment. Si riche qu'il soit en qualité, et vous lui en reconnaissez beaucoup, il n'est point, n'est-ce pas, comme les arbres de ce jardin. Il n'a point une saison d'hiver et une d'été. On ne peut pas me dire que je l'ai vu l'hiver et que si j'attendais l'été pour le voir couvert de fleurs et de feuillages, je changerais d'avis. Il n'aura pas plus de cheveux dans 6 mois qu'il n'en a aujourd'hui. Ses yeux ne seront pas plus grands, ses dents ne seront pas plus blanches. Dans 6 mois, il sera plus âgé de 6 mois, et c'est tout. Vous raillez très plaisamment, cher enfant, mais la raillerie n'a jamais rien prouvé. D'ailleurs, vous savez tout aussi bien que moi qu'il n'y a pas seulement à considérer dans un mari ses cheveux ni ses dents. Il y a des qualités qui ne peuvent s'apprécier par les yeux. Les qualités morales, n'est-ce pas? Est-ce que c'est par là que M. de Saint-Ostrobert brille? Je vous demande pardon de n'avoir pas pensé à cela, mais je ne me doutais pas que M. de Saint-Ostrobert avait de légitimes prétentions au prix de vertu. Peut-être pourrait-il en avoir, si je vous disais que M. de Saint-Ostrobert a, pendant ce dernier voyage à Paris, sacrifié généreusement 10 000 francs pour sauver la vertu d'une jeune fille. Cela vous étonnerait, n'est-ce pas? Mon Dieu! Non, dès lors que vous deviez le savoir. C'était un placement. C'est là encore une accusation injuste. M. de Saint-Ostrobert ne pouvait pas savoir que sa générosité nous serait connue. Elle nous a été révélée par M. le marquis de Virieux, gendre de M. Charroux, ami de votre père. M. de Virieux était présent lorsque M. de Saint-Ostrobert a donné ses 10 000 francs à cette malheureuse jeune fille. M. de Virieux est incapable de dire ce qui n'est pas. Au reste, il n'était pas seul. D'autres que lui ont été témoins de la générosité de M. de Saint-Ostrobert. Et je vous assure que les gens qui donnent 10 000 francs pour le plaisir de les donner sont rares. Je ne dis pas que cela n'est pas admirable. Je dis seulement que pour moi, il y a eu trop de témoins de cette action d'éclat. J'aime mieux encore la générosité qui donne un louis en cachette que celle qui donne 10 000 francs en public. Je n'aime pas les bienfaits connus. Vous avez l'esprit chagrin? J'espère que non, mais j'ai vu ce qui se passait autour de moi et je l'ai compris. Entre mon père, qui ne parle jamais des services qu'il rend, et notre voisin M. Sandoz, qui nous disait l'autre jour que le pont de Bordeaux s'écroulerait si tous les gens qu'il a obligés se trouvaient dessus, je n'hésite pas à croire que le seul généreux est mon père. Parler des services qu'on rend est une fatuité, à mon sens, insupportable. J'aime encore mieux les gens qui parlent de leurs qualités physiques, de leurs yeux ou de leurs cheveux. Je vois que, bien décidément, M. de Saint-Ostrobert est condamné par vous. Même dans ce qu'il fait de bien, vous cherchez à le prendre en faute. Savez-vous que c'est un indice grave? Indice d'une profonde antipathie, j'en conviens. Et il me semble que c'est là une preuve que je n'aimerais jamais, M. de Saint-Ostrobert. Ce qu'on ne s'explique pas, c'est cette antipathie. D'où vient-elle? Qui l'a causée? Pour qu'un homme vous soit à ce point antipathique, il faut qu'il y ait en lui quelque chose qui justifie cette répulsion. Et je ne vois rien dans M. de Saint-Ostrobert qui soit de nature à motiver vos sentiments. Ils sont tels que je dis, cependant. Une seule chose les expliquerait. Il y eut un moment de silence. Et laquelle? Demanda Marthe, ne voulant pas rester sous le coup de cette interrogation. Elle est tellement délicate que j'ose à peine en parler, elle pourrait vous blesser. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de me blesser facilement. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'un cœur reste d'autant plus étroitement fermé qu'il est rempli. Marthe ne répondit pas. Ainsi, continua Madame Denis, votre antipathie pour M. de Saint-Ostrobert me paraîtrait toute naturelle, si je vous voyais une vive sympathie pour une autre personne. Il y eut encore une pause et Marthe ne broncha pas. « Mais je ne vous en vois pas, » continua Madame Denis. « Il est vrai que, réservée comme vous l'êtes, cette sympathie pourrait très bien exister sans que je la connusse. Seulement, je trouve que dans ce cas, vous auriez grand tort de n'en point parler soit à votre père, soit à moi. » Marthe pâlit, mais elle ne desserra pas les lèvres. « Je sais, » reprit Madame Denis, « que c'est un aveu délicat à faire. Mais vous êtes assez certaine de notre tendresse pour savoir que vous n'avez rien à en craindre. » Si vous y étiez gardé contre l'amour de M. de Saint-Ostrobert par un autre amour, je trouve que vous auriez grand tort de n'en point parler à votre père. Cela, j'en suis certaine, changerait ses dispositions. Après tout, ce ne serait point un grand crime, si même c'en était un. Quoi de plus naturel que vous ayez ressenti une inclination pour l'un des jeunes gens que nous recevons, ou que vous avez pu voir dans notre monde? Pourquoi n'aimeriez-vous pas M. Castéra, ou bien Jacques Goliac? J'ai vu que Don José Rivadeneira avait pour vous une véritable admiration. Jules Montagu est votre esclave. Oh, Montagu, dit Marthe en souriant. Pourquoi pas? Peut-être que si le nom de Philippe avait été prononcé, Marthe eût faibli, mais il ne le fut point, pas plus que celui de Mériol. car Madame Denis appartenait à cette classe de femmes qui disent tout, excepté ce qu'elles veulent dire. « J'avais cru, » dit Marthe après un moment de silence, « que ma répulsion pour M. de Saint-Ostrobert suffirait à vous toucher et à vous mettre de mon côté. Je vois que je m'étais trompée, car elle n'a jamais été si chaudement prônée que par vous. Vous vous trompez, cher enfant. Je ne prône pas M. de Saint-Ostrobert, et je suis disposé à vous servir. Seulement, je le suis dans de certaines conditions. Ainsi, je ne dirai point à votre père que je trouve qu'il a tort de vouloir vous donner à M. de Saint-Ostrobert. Mais je lui dirai volontiers, si cela peut vous être agréable, quels sont vos sentiments à l'égard de celui-ci. Ainsi, je ne sortirai point de la réserve que j'ai voulu m'imposer au sujet de votre mariage. Cela vous convient-il ? J'en serai très heureuse, car papa ne veut pas m'écouter. De même, je pourrais encore parler dans ce sens à M. de Saint-Ostrobert, au moins dans une certaine mesure. « Oh, je vous en prie !» s'écria Marthe avec élan. « Eh bien, je le ferai. M. de Saint-Ostrobert doit venir mercredi, je lui parlerai. Vous verrez que je suis votre ami, votre sincère ami, et que vous avez tort de ne pas vous ouvrir à moi entièrement, avec franchise, avec abandon, comme vous le feriez avec votre mère. » Marthe eut un moment d'hésitation et Madame Denis crut qu'elle allait parler. Mais le mot qu'elle dit enfin fut celui qu'elle avait déjà répété tant de fois. « Sauvez-moi, monsieur de Saint-Ostrobert !»